et se détache trop de sa personnalité. Par des mécanismes égoïques illusoires, il découvrira qu'il n'est plus dans sa personnalité, qu'il n'est pas encore dans sa personne, donc il vivra un enfer psychologique. Il vivra un enfer vibratoire, psychique. Il sera totalement malheureux. Et son intérêt pour l'évolution de sa propre conscience ne lui suffira plus. Il en aura marre de la conscience. Et il n'aura pas compris qu'il doit vivre d'abord de sa propre puissance psychologique avant de pouvoir vivre de la puissance de son esprit. L'homme doit aller chercher en lui-même ce qui fait partie de sa programmation et lui donner une valeur. Il doit aller chercher dans son expérience et ses talents les éléments essentiels et utiles à sa survie, jusqu'au jour où, dans le temps de son propre esprit, il puisse se libérer d'un certain fardeau pour aller vers une vie légère, créative, en puissance, ne demandant plus qu'il soit rattaché à l'expérience ou à ses talents, mais capable de faire exploser en lui une nouvelle dimension d'intelligence créative. Mais ceci prend le temps que ça doit. L'homme ne peut pas le forcer. L'homme ne peut pas l'accélérer. Tout ceci fait partie de la fusion de l'être, et non pas de la prétention de l'ego. Après s'être débattu pendant des années dans les éthers subtils d'une conscience en évolution, d'une conscience nouvelle, l'homme doit apprendre à revenir sur la terre en réutilisant ses anciens outils d'une façon plus partagée, plus équitable, plus intelligente, en attendant que d'autres aspects de son être se développent. Mais non pas en fondant aujourd'hui sa vie sur un appointement futur avec son esprit.